La revanche de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. La revanche. 1. Entendez-vous? Le canon gronde. Vite, au drapeau, serrons les rangs, aux armes tous. Montrons au monde que nous sommes toujours les grands. C'est la France qui nous appelle. Poussons le hurrah triomphant. Pour elle, le père et l'enfant doivent rivaliser de zèle. Allons, Français, debout. C'est l'heure du danger. Patrie, à toi nos bras pour vaincre et te venger. 2. Que ce cri « Vengeance, vengeance !» nous pousse toujours en avant. On n'aura pas vaincu la France tant qu'un de nous sera vivant. Oui, nous reprendrons nos frontières conquises sur l'envahisseur. Oui, nous vaincrons notre vainqueur. Ou martyrs rejoindront nos pères. Allons, Français, debout. C'est l'heure du danger. Patrie, à toi nos bras pour vaincre et te venger. 3. France, souviens-toi de ta gloire pour chasser ce traître ennemi. Prussien, rappelle-toi l'histoire. As-tu donc oublié Valmy? 10 rois nous déclaraient la guerre. Nous avons vaincu les 10 rois. Ce que nous fîmes autrefois, nous sommes prêts à le refaire. Allons, Français, debout. C'est l'heure du danger. Patrie, à toi nos bras pour vaincre et te venger. 4. Tout conquérant trouve son maître quand il combat la liberté. À chaque pas, il voit paraître un héros qu'il n'a point compté. On veut nous accabler d'entraves. Qui de nous pourrait le souffrir? Français, il faut vaincre ou mourir. Mourons tous plutôt qu'être esclaves. Allons, Français, debout. C'est l'heure du danger. Patrie, à toi nos bras pour vaincre et te venger. 5. Chacun se doit à la patrie, point de désespoirs insensés. Femmes, faites de la charpie, il en faudra pour les blessés. Les vieillards couleront des balles, nos filles vendront leurs bijoux, nos petits-enfants leurs joujoux. Pour tous, les parts seront égales. Allons, Français, debout, c'est l'heure du danger. Patrie, à toi nos bras pour vaincre et te venger. Fin de La Revanche, lu par Ezoy, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.